Voilà, c'est l'intempestive. Ce bien sympathique mix radio obsessionnel, c'était l'indicatif de modulation de fréquence, une émission d'art radiophonique qui était diffusée sur Jet FM. Puisqu'on poursuit aujourd'hui dans l'intempestive l'histoire des radios libres, en s'intéressant à celle de cette radio de Saint-Herblain dans l'agglomération nantaise, qui est particulièrement symbolique d'une évolution des radios associatives non commerciales. En termes de contenu, vers une grande importance accordée à la création radiophonique. Du 2 au 13 mai à Nantes se tient d'ailleurs le 7e festival sonore organisé par Jet FM, et techniquement vers une adaptation aux nouvelles technologies, Jet FM faisant partie des radios pilotes pour le lancement de la radio numérique terrestre. La première évolution nous enthousiasme, la seconde beaucoup moins. Entretien avec Loïc Chusseau, qui est à la fois directeur de la radio, président de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, et délégué au financement du Syndicat national des radios libres. Jet FM, c'est donc sur le 91.2 MHz dans l'agglomération nantaise et sur jetfm.asso.fr. Là, on se trouve dans les locaux du Centre socioculturel de la Bernardière. Est-ce que tu pourrais expliquer dans quel quartier où est installé Jet FM ? Alors, Jet FM est installé à Saint-Herblain et non pas à Nantes. Nantes est agglomération nantaise, on peut dire plus largement. Saint-Herblain est situé au nord-ouest de Nantes et à un quartier qui s'appelle Bellevue, l'un des 217 quartiers dits sensibles, et où la radio a été créée en 86 dans le centre social de la Bernardière, qui était au départ en fait juste une activité du centre social. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'émission sur les ondes. Il y avait juste une activité pour les jeunes du quartier. D'ailleurs, c'était même interdit aux moins de 18 ans. Et les jeunes venaient faire des émissions de radio, enregistrer des choses, mais qui n'étaient pas diffusées sur les ondes. Pourquoi c'était interdit aux moins de 18 ans ? Parce que c'était vraiment porté par les animateurs socioculturels à l'époque. Et donc, voulaient s'adresser uniquement aux jeunes qui étaient un peu en difficulté, qui résidaient dans le quartier, qui ne savaient pas forcément quoi faire dans la journée. Donc, ils ont monté cet atelier radio. Et à l'époque, une fois que l'atelier a été mis en place, c'est appelé Fun FM, je crois, et Parpaing FM. Voilà, le premier nom de la radio, Jet FM. Et qui a pris vraiment son autorisation d'émettre à temps plein en 92. Avant, c'était soit des émissions temporaires, soit des émissions pirates. Voilà, ça a commencé par bricoler des émetteurs pour émettre sur le quartier, parce que quand on fait des émissions, c'est aussi bien qu'elles soient diffusées, et notamment dans le quartier. Et puis, de fil en aiguille, le projet s'est un peu amplifié et donc a eu une autorisation définitive en 92. En fait, il y a un animateur qui était à l'époque... un responsable d'animation qui était à l'époque ici, qui a écrit son mémoire en fait sur la radio et qui posait déjà les questions, un petit peu les prémices de est-ce que la radio doit rester activité du centre social ou doit devenir une vraie radio associative, avec des vrais programmes, des bénévoles, tout un fonctionnement. Donc c'est assez drôle puisque plus de 20 ans après, nous on s'est reposé les questions et c'est comme ça qu'on a amené aussi la radio à... Alors on est toujours implanté dans le centre, mais on n'est plus activité du centre puisqu'on est une association maintenant indépendante. Donc du coup, on a vu un peu le cheminement, mais c'est vrai que déjà dans ces minutes des années 80, où il y a beaucoup de radios qui sont nées aussi, des radios libres associatives qui sont nées dans ces dispositifs-là, c'est-à-dire éducation populaire, dans les MJC, dans les centres sociaux, dans des théâtres. Je sais qu'il y a Radio Pro de Marseille aussi à Marseille qui sont nées un petit peu dans ces conditions-là. Et du coup, qui étaient vraiment dans des dispositifs d'accompagnement des jeunes, et sur des quartiers. Qui après ont pris une ampleur, un peu plus importante, mais qui au départ s'adressait vraiment aux jeunes du quartier. Donc comment, est-ce que tu peux parler des tout débuts de la constitution de la radio en tant que telle, quelle était l'équipe, et puis comment est-ce que cette équipe a défini le projet de radio pour émettre cette fois non plus des émissions ponctuelles, mais 24 heures sur 24? quand le projet s'est mis en place, d'une part, c'était porté par les animateurs socioculturels du centre. Et après, il y a eu commencé à avoir des salariés, entre guillemets, qui étaient dédiés en fait, au projet radio. C'était fin des années 80, début 90, c'était quand même la grande époque des CES à l'époque, des CEC, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, enfin voilà, tous ces emplois aidés. Et aussi, pour les plus anciens qui connaissent, hein, les objecteurs de conscience. Donc voilà, ceux qui. Bon, donc j'explique pour les plus jeunes, ceux qui refusaient de faire l'armée et qui souhaitaient faire leur service militaire dans le civil, c'est-à-dire dans une association entre autres. Donc là, voilà, le début de la radio sur cette base-là, avec une émission permanente, a été porté aussi par deux, trois, je crois, il y avait deux, trois personnes à temps plein ou à mi-temps qui étaient là pour faire fonctionner, à la fois faire de la programmation musicale, constituer une grille. Et dès la fin des années 80, il y a déjà cette idée de formaliser une grille d'antenne. Qui a commencé à s'alimenter d'une part par les bénévoles qui étaient au sein du centre social, parce que le centre social étant une association, il y avait déjà des bénévoles. Et donc, s'est cristallisé en fait comment dire, une communauté de bénévoles qui sont intéressés à la radio ensuite. Et à partir de là, alors, c'était assez hétéroclite au niveau de l'antenne, puisqu'il y avait un peu à l'image de ce que fait le centre social, c'est s'adresser à la fois aux jeunes et aux plus anciens. Il y avait des émissions faites par les personnes âgées, par les retraités, voilà, il y avait des émissions pour les plus jeunes, des émissions hip-hop, des choses comme ça. Voilà, avec une partie qui était réalisée par les permanents, donc à l'époque je crois qu'il y en avait deux ou trois, donc à la fois faire de la programmation musicale, mais aussi animer une quotidienne, des choses, donner un peu de l'information locale. Alors tout ça un peu manière très amateur, c'est-à-dire que voilà, à la fois en termes techniques, mais aussi en termes, comment dire, humains, le professionnalisme qui est aujourd'hui n'était pas là il y a 20 ans. Parce que d'une part, on voyait plus la radio comme une activité du centre social et comme, comment dire, un plaisir, voilà, où chacun venait et puis faisait un petit peu sa tambouille. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai que la professionnalisation de la bande FM, notamment dans le secteur associatif, a été obligatoire pour assurer en fait la survie des radios associatives et comment dire leur présence encore aujourd'hui sur la bande FM. Mais quand tu parles de professionnalisation, est-ce que tu veux dire justement de suivre le modèle des grosses radios, des radios de service public ou des radios commerciales qui sont majoritaires, même associatives commerciales? Ou qu'est-ce que tu entends en fait par professionnalisation? Non, c'est justement, ça c'est un, c'est un, enfin, ce que tu expliques, c'est un peu le raccourci que font beaucoup de structures justement commerciales ou même d'interlocuteurs ou donc des collectivités publiques ou des partenaires. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est forcément commercial, voilà. Et c'est pas parce qu'on est professionnel qu'il y a forcément un modèle qui s'applique et qui vient du commercial. Et que associatif rime pas avec amateur. C'est pas parce qu'on fait de l'associatif qu'on est amateur. Enfin, du moins qu'on est amateur de quelque chose, mais on n'est pas dans une pratique d'amateuriste. Voilà. Oui, parce que c'est bien la radio amateur en même temps. En même Mais, temps. non, non, non, mais le terme. Enfin, nous, on a beaucoup d'amateurs de musique, par exemple, voilà, qui viennent parce qu'ils sont des passionnés, mais amateurs dans le sens passionné, mais pas amateurs dans le sens un peu voilà, bricoleur. Donc nous, on a professionnalisé l'antenne en gardant notre modèle associatif, c'est-à-dire sans publicité, voilà, en ayant une éthique. Et d'ailleurs, on est une association, donc on a un projet social derrière avec des valeurs. On travaille beaucoup sur les thématiques d'économie sociale et solidaire, étant aussi impliqué à la fois dans la vie du quartier, mais aussi implanté dans le quartier. On travaille beaucoup sur toutes les problématiques qu'il peut avoir au niveau social et sociétal de manière globale. Et donc, on n'a jamais, nous, voulu copier le modèle commercial. Au contraire, on est, je pense, une des rares radios encore associatives à défendre des formats, enfin justement à déformater l'antenne. C'est-à-dire que, par exemple, le midi, on a une émission qui commence à midi, qui est l'information locale, donc on reçoit des acteurs associatifs, des artistes, voilà, mais on va pouvoir diffuser des débats, des choses comme ça, et Il y a une heure de début à midi, mais il n'y a pas d'heure de fin. Des fois, l'émission a fini à 1h, 1h30, 1h37, 1h38, 2h05, voilà, des choses comme ça. Et on est plus dans cette idée de flux, de continu, de radio, où on propose des choses et où, en fait, on laisse parler les gens. Alors, il ne s'agit pas de parler pour ne rien dire, mais d'aller vraiment au fond des choses. Et nous, on a beaucoup d'auditeurs qui sont assez contents de pouvoir, justement, entendre des choses développées à l'antenne, ce qui va à l'encontre totalement du format à la fois même du service public et du commercial, où on est sur des formats d'une minute, 2 minutes, où on estime, déjà on présuppose que l'auditeur est déjà fatigué au bout de 2 minutes, ou 3 minutes de musique, ou des choses comme ça. Et nous, on garde ce cap de, justement, de déformater et de proposer... voilà, à l'image de quelques radios en France, la radio associative, des créations radiophoniques, de la fiction, des choses comme ça. Immergé dans un univers au plus près de la réalité, les conditions de créativité idéales. Un espace ouvert sur l'univers. Une autoroute de savoir, vierge. Continuer un petit peu sur ce dont tu parles. Comment est-ce que vous concevez la manière de faire de l'information locale, par opposition, par exemple, à ce que ferait France Bleu Nantes, ou comment est-ce que vous faites de l'information à Jet FM? Alors déjà, on fait pas, enfin, au niveau de l'information, nous on fait pas de flash info. Donc on n'est pas dans l'actualité immédiate, mais pas que sur l'information, hein, sur la programmation musicale. Voilà, on ne traite pas. Enfin, on ne s'en sent pas obligé de traiter. Voilà. Donc, on va à l'encontre aussi des modèles commerciaux, c'est-à-dire où on est forcément dans l'immédiateté, où si l'artiste sort l'album, il faut absolument faire une campagne de promo. Nous, on va traiter de sujets voilà, qui nous passionnent, d'une part, voilà, qui animent aussi la vie de l'association et de l'antenne. Et donc, on va aller vraiment sur des thématiques. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on va traiter des sujets à fond. Donc, en termes politiques aussi, parce qu'on traite, voilà, mais politique aussi, pas forcément la politique politicienne, mais aussi la politique au sens large de ce qui se fait à la société. Donc, sur ces thématiques-là, sur la bioéthique, sur voilà, des sujets de fond. Voilà, puis on va avoir des artistes qui vont venir, qui vont parler effectivement de leur spectacle qui va peut-être avoir lieu dans 2-3 jours. Mais l'idée, c'est aussi peut-être plus de revenir sur leur parcours, de voir un petit peu comment ils sont construits. Enfin, voilà, d'avoir des entretiens plus que des micro-interviews, des reportages, micro-reportages. Voilà. On est vraiment plus sur la longueur en termes d'informations. Et voilà, après, je pense que les auditeurs qui peuvent écouter Jet FM se retrouvent justement plus dans cette formule qu'on propose, ou enfin. Formule, c'est un terme un peu péjoratif, mais disons dans ce qu'on nous on peut proposer, ce qu'on fait avec passion, c'est-à-dire que on n'est pas là pour cibler des auditeurs, par exemple, on est plus là pour dire voilà comment nous on voit un petit peu le monde, comment on voit un petit peu la manière de faire de la radio, et puis adhèrent ceux qui veulent, partagent ceux qui veulent, voilà, on n'est pas là pour dire nous on veut absolument les 18-35 ou les c'est très d'ailleurs c'est j'ai jamais compris cette logique-là, même si après ça peut être entre guillemets porteur en termes de marché pour certaines radios ou certains médias. Du coup, c'est se couper en fait les autres tranches, c'est-à-dire les autres tranches d'âge. Et nous, en plus, dans la logique qui anime aussi la radio, c'est d'être plutôt dans l'intergénération, de croiser aussi les points de vue entre les plus jeunes et les plus anciens. Enfin, voilà, c'est... Aujourd'hui, les gens sont... Je ne sais pas si c'est forcément le temps de crise, mais les gens ont tendance de plus en plus à se replier sur eux-mêmes. C'est aussi le modèle de vie voilà, de société qui fait ça. Et le fait encore, à travers les médias, de couper les tranches d'âge, les générations, les catégories socio-professionnelles aussi, ça, c'est encore plus aller dans le système de société néolibérale, voilà, où chacun pour soi. Et donc, nous, on est plutôt à dire, voilà, bah, écoutez, voici la proposition de JTFM. On n'est pas là pour passer que du hip-hop pour les jeunes ou que de la musette pour les plus anciens. On passe pas de musette, mais voilà. Mais au moins, on peut peut-être que, par exemple, le discours sur l'ESS va sur l'économie sociale et solidaire va intéresser peut-être effectivement des gens un peu plus âgés, voilà, peut-être plus militants aussi, voilà. Et puis le fait qu'on soit sur un quartier, qu'on travaille sur les problématiques aussi de l'emploi, on va s'adresser beaucoup plus à des gens qui sont peut-être plus en difficulté sociale, des choses comme ça, voilà. Oui, justement, étant donné l'implantation de la radio dans un quartier populaire. Est-ce que ça s'entend sur la grille? Est-ce que il y a un engagement particulier de Jet FM dans le mouvement social ou dans des luttes, puisqu'il y a aussi des grosses opérations d'urbanisme sur Nantes, par exemple? Est-ce que tu définirais la radio comme engagée au niveau social, quoi? En fait, elle l'a toujours été, elle l'est encore engagée à la fois à travers son antenne, mais aussi à travers les actions qu'elle peut porter sur le quartier notamment, mais pas que. Hein, parce qu'on est sur un quartier dit populaire, et donc l'antenne et même le projet social de la radio, c'est toujours construit aussi par rapport à cette identité. Je pense qu'on est, sur la région des Pays de la Loire, je crois qu'on est la seule radio en quartier populaire. Sur l'agglomération, on est la seule, évidemment. Alors après, il ne s'agit pas de légitimer ou pas la présence, le fait que la présence de la radio soit dans un quartier populaire, de faire des actions dans les quartiers populaires. Mais on est en fait, sur l'agglomération, on est la seule radio à faire des actions aussi dans les quartiers populaires, de manière globale. C'est-à-dire, pas seulement sur Bellevue-Saint-Herblain, mais il y a d'autres quartiers sur périphérie de Nantes, Arezzé, même à Nantes, Malakoff, tout ça, qui sont aussi dans des cadres de rénovation urbaine, à intervenir sur ces quartiers-là. Les autres radios ne le font pas. On est ici radio associative, on est les seuls à aller dans ces quartiers-là. Alternante ne le fait pas? Il y a une implication sociale et politique? Il y a une couverture par Alternante des initiatives. Moi, je parle en termes d'action. Nous, on est présents, par exemple, sur de l'action pédagogique. Donc, on travaille avec les collèges, les écoles élémentaires, les lycées. Et donc, on intervient à la fois sur l'initiation, sur la présentation de ce qu'est la radio associative, qu'est-ce qu'on y fait, les métiers, comment on fait de la création, des choses comme ça. On fait aussi des séances d'écoute, jusqu'à mener même des projets sur plusieurs mois avec les élèves sur des projets de fiction, des projets d'écriture radiophonique, des choses comme ça. Donc on est vraiment présent aussi sur ces quartiers, on fait vraiment des choses, parce que on peut dire la radio c'est un relais médiatique, voilà, mais c'est pas que ça. Enfin, nous, la radio associative, c'est pas que relayer de l'information et que diffuser de l'information ou de la musique ou des choses comme ça, mais c'est aussi faire de l'action. Donc on a toujours, nous, défini notre radio, mais moi je pense plus globalement c'est même le rôle des radios associatives, pas seulement de diffuser mais aussi d'agir, donc d'être aussi un acteur du territoire sur lequel elle diffuse. Donc de prendre part à la fois à des initiatives d'action pédagogique, à des événements, à créer des choses sur le territoire et à participer aussi à faire du lien social, à faire à faire bouillonner un petit peu le terreau culturel, social, sur lequel elles sont, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comment vont les fourmis, la mensuelle de Jet FM dédiée à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec Terre Histoire. Terre Histoire est un magazine en ligne des initiatives citoyennes en Bretagne et en Pays de la Loire. Une émission réalisée depuis le Café du Gaz qui se situe 5 allée des Tanneurs à Nantes, et merci à Cédric et à son équipe de nous accueillir à nouveau à la réalisation technique, Anne-Laure Lejaune. Alors, si vous êtes fidèle de l'émission, vous savez que ce moment de radio est diffusé sur Jet FM, c'est-à-dire sur l'agglomération nantaise, mais aussi depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis septembre 2011, sur l'autre radio. Et cette radio est située à Château-Gontier, en Mayenne. Bonjour Alexandra, content de te retrouver. Bonjour Pascal, le plaisir est partagé. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Alors, je te laisse le soin de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, quel est le sujet ? Alors le sujet aujourd'hui concerne des acteurs clés de notre système de soins, c'est-à-dire les mutuelles de santé. Avant de parler de toutes les activités hors les murs de Jet FM, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu la grille de l'antenne, la définir, dire ce qu'il y a sur cette grille et éventuellement si ça a évolué depuis la création de la radio aussi. Alors, la grille d'antenne a toujours eu un modèle, justement, qu'on entraîne un peu de... Enfin, moi, je souhaite qu'on révolutionne un petit peu pour l'année prochaine, parce qu'on s'en croûte un peu quand même. Non, mais c'est vrai que depuis, ça va faire près de 18-19 ans que la grille est un peu formalisée, où en fait, en journée, on fait de la promo musicale, le midi ou en fin de journée, on a une quotidienne. Et puis à partir de 18h jusqu'à minuit, en gros, sont les émissions des bénévoles. Ça, c'est le fonctionnement, le schéma de la grille depuis pratiquement 20 ans. Et donc, du coup, l'idée, c'est un peu, parce que c'est de manière globale dans le secteur associatif, il y a quand même une érosion du bénévolat. Avec les développements des outils numériques, les bénévoles, maintenant, ils ne se donnent même plus la peine de venir à la radio. Ils font ça chez eux. En plus, il y a aussi un développement des connexions avec l'Internet, donc des connexions entre des gens qui font de la radio dans d'autres villes, même dans d'autres pays. Donc depuis pratiquement 10 ans, on a vu en fait une évolution de la grille sur la dématérialisation des émissions. Donc, on a fait quand même un constat il y a quand même quelques années, du coup on a mis un peu le holà là-dessus, c'est-à-dire qu'on refuse maintenant, si, à moins que ce ne soit pour remplacer une précédente émission dématérialisée, mais on refuse de rajouter des émissions dématérialisées. Donc, par exemple, des projets très intéressants, c'est une émission d'une radio à New York, WFMU, voilà, qu'on diffuse. Il y a Lou Reed. Qui est une radio de création voilà. À New York. Voilà, et puis il y a Lou Reed là, qui vient de lancer un show, une émission avec plein de musique indépendante, hyper bien, qui nous a contactés. Il cherchait des radios françaises, rock, indé, tout ça, pour diffuser son émission. Alors au départ, il voulait nous la vendre, mais on n'a pas de sous pour acheter les programmes, donc a priori, on pourra l'avoir gratuitement. Mais voilà, ça, on va le diffuser parce que c'est barré, c'est à l'image de Jet, donc ça, on va le diffuser. Et puis on a des émissions emblématiques, un peu comme The Brain aussi, qui diffuse sur beaucoup de radios associatives, qui produit un programme sur Jet, ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont là. Voilà, on a plusieurs émissions... comment dire, dématérialisé. Il y a Black Sea Fishy aussi qui fait une émission sur Jet depuis, qui est basée à Paris et qui fait une émission sur Jet depuis plusieurs années. Voilà, je pense qu'on a au moins une 10 ou 15 émissions comme ça dématérialisées. Et même les gens sur Nantes qui ne veulent plus venir forcément au studio parce qu'ils n'ont pas le temps, tout ça, parce qu'on est un peu excentré de Nantes, on n'est pas dans le centre-ville. Voilà. Du coup, on a mis le holà sur ces émissions. Et donc, avec l'érosion du bénévolat, on se pose un peu la question de savoir un petit peu comment. On essaie de plus séparer en fait la journée salariée et la soirée bénévole, même si on a des bénévoles qui viennent nous filer un coup de main qui participent à l'animation ou à la technique, faire des chroniques dans les quotidiennes, il y a quand même du lien, c'est pas non plus si cloisonné que ça, mais par rapport à ce qui se passait il y a 10-15 ans, il y a effectivement une séparation un peu plus présente, voilà, et qui fait que les bénévoles aussi sont plus dans une logique où ils viennent faire leur émission pendant une heure et puis point barre, et ils ne se préoccupent même plus ou même pas de la vie associative derrière. Donc c'est ce qui est dommage, parce que même au-delà de faire une émission d'une heure, c'est aussi de voir ce qui se passe dans les autres émissions, de voir à un moment s'il peut y avoir des croisements aussi avec d'autres émissions, avec ce que font les permanents aussi. Donc la grille a effectivement évolué, c'est un peu cloisonné, peut-être un peu trop, mais on va essayer justement de refaire une petite tambouille pour le septembre prochain, essayer de rouvrir cette antenne à la fois aux bénévoles, même si elle est largement ouverte, hein, parce qu'ils produisent pratiquement 40 heures de programme sur la semaine, sachant qu'en gros c'est un tiers des programmes d'émission des bénévoles, pratiquement les deux tiers de musique et le reste c'est de l'information qu'on produit nous, en tant que permanent. Et donc, ouais, voilà, de remélanger un petit peu ça, de pourquoi pas remettre les bénévoles, enfin des émissions réalisées par les bénévoles en journée, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et alors, il y a une chose que tu as évoquée tout à l'heure, qui est la création radiophonique, qui a aujourd'hui une grosse reconnaissance à travers pas mal de web radio ou de radio associative. Ou des missions de service public qui travaillent beaucoup autour de ces questions. Et Jet FM, ça fait un bout de temps en fait que vous êtes sur la création radiophonique. Est-ce que déjà tu pourrais un petit peu définir ce que vous entendez par là, et puis après voilà, parler de pourquoi vous donnez cette importance-là sur l'antenne, et puis qu'est-ce que vous y voyez? Nous, la définition de la création radiophonique, c'est sa définition propre, c'est-à-dire de... à la fois d'explorer les champs musicaux, c'est-à-dire à la fois la création sonore, voilà, adaptée à la radio, et aussi après tout ce qui est en termes peut-être plus fictionnels, théâtrales, poétiques, voilà, des choses comme ça. Nous, on y est arrivé il y a plus de 10 ans, On y était toujours un peu de manière, comment dire, moins flagrante, mais notamment à travers la programmation musicale, où Henri, qui est le programmateur musical depuis 94-95 à la radio, a toujours travaillé en fait sur un lien en fait, sur un système de contraintes ou avec un jeu de contraintes, des choses comme ça. Donc par exemple, nous on ne diffuse pas de MP3 au titre par titre à la radio. Donc voilà, donc encore une différence avec le secteur commercial. Même la plupart de radios associatives, je pense aujourd'hui, qui diffusent du titre MP3, du titre par titre. La programmation musicale est faite à la main. Donc ça peut être des supports dématérialisés, mais disons c'est enchaîné à la main, en journée, ou enregistré. Mais Henri l'a fait, ou il y a des bénévoles aussi qui produisent des mix ou des plages de programmation musicale en journée. Donc ça c'est enregistré par plage, donc ça peut être 20 minutes, mais ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. Donc c'est des sortes de longs mix, mais pas que, on peut passer la chanson française et des trucs comme ça. Donc c'est pas, la notion de mix n'est pas uniquement l'apanage de la musique électronique, c'est mix sur la sorte de flux audio-musical. Et donc, je pense que ça vient aussi d'ici, c'est-à-dire de cette programmation musicale où, par exemple, Henri va se faire un jeu en disant « Tiens, je vais diffuser des artistes, ça va être B, A, B, C, B, A, B, C, par exemple. » Donc, tous les artistes commencent par B, ensuite par A, et voilà. Donc, ça va être un artiste B, un artiste A, voilà, des choses comme ça. Ça peut être autour d'une thématique, par exemple... il s'était lancé, par exemple, tous les samedis après-midi, il faisait des siestes musicales, donc vraiment sur le thème de la détente. Enfin, alors pas du tout les trucs niaillants, mais vraiment des rapports, où les gens peuvent, écouter de la musique tranquille, par rapport aussi à des situations ou des choses comme ça, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de radio engagée. À un moment, ça peut être aussi, par exemple, le 1er mai, on va faire une thématique un peu plus sociale ou sociétale aussi, des choses comme ça. Donc je pense que la création radiophonique, elle est issue de ça. Après, elle a pris une forme peut-être plus journalistique, entre guillemets, et théâtrale, journalistique à travers du documentaire de création et théâtrale à travers de la fiction fiction radiophonique. Notamment quand moi j'ai mis en place une émission qui s'appelle Histoire d'onde. Donc, qui a donné aussi une association sœur de Jet FM, qui porte aussi le Festival Sonore, un festival dédié à la création radiophonique, en 2001. Alors au départ, c'était vraiment plus sur une forme documentaire, où je travaillais beaucoup avec des journalistes du Monde, Diplo, quand il y avait des sorties de bouquins assez intéressants, il y avait des longs entretiens avec soit des journalistes, soit avec des écrivains, mais sous une forme où, en fait, je faisais jamais en direct, je travaillais tout en montage. Et donc là, je commençais à vraiment travailler la matière sonore, à incorporer, effectivement, mixer la musique. Enfin, vraiment un travail de production et de création. Et puis, fil en aiguille, en fait, cette émission a fédéré aussi des universitaires, des journalistes, des étudiants, des gens qui voulaient faire tout simplement de la radio, des créateurs, des preneurs de son. Et du coup, on a commencé à mettre en place un espace vraiment de création où, quand on partait, par exemple, toujours dans cette logique d'engagement de la radio militante, on couvrait par exemple les forums sociaux européens, donc on allait un peu partout sur les forums sociaux en Europe. Du coup, quand on revenait avec du son, on travaillait vraiment une sorte de longue émission d'une heure de mix. Voilà, un peu à la mermaid, mais je dirais encore mieux, parce que c'était vraiment un bloc d'une heure où on ne faisait pas juste un débrief d'un quart d'heure ou 20 minutes, mais vraiment, même des fois, on avait des séries de 4 heures. Et là, on travaillait vraiment de la matière sonore. Après, je suis parti faire un stage à Phonurgia, à Arles, puis avec Emortley et Hervé Birolini. Et du coup, là, moi, après, j'ai vraiment travaillé. Donc, on a commencé à acheter du matos ici. Et donc, là, on a commencé à mettre en place à la fois de la création, puis on a lancé surtout le festival ensuite en 2006. Donc, qui a donné une certaine effervescence. Et puis, il y a eu aussi un rapprochement avec Arte Radio à un moment, qui a permis. Qui nous file un coup de main, et puis qu'on soit un peu plus identifié sur ce créneau-là, et aussi avec les associations sur sur la région, travailler justement un pôle de création, donc à la fois d'être coproducteur sur des fictions radiophoniques avec des associations de théâtre, des choses comme ça, qui voulaient développer de la fiction. Et donc en fait, on a commencé à développer ça avec deux, trois, le théâtre Amok, par exemple, qui dès 2005 nous a porté des projets de création sur lesquels on était, nous, coproducteurs. Et là, systématiquement, sur le Festival Sonore, par exemple, on coproduit une à deux créations inédites. Voilà. Alors, qui, pour le festival, ont une forme une forme radiophonique, mais qui, après, peuvent prendre plutôt aller sur un dispositif uniquement théâtral ou des choses comme ça. Mais du coup, on est très présent sur ces aides-là. Et en fait, en 2010, on a eu la première bourse de la SACD, la bourse Beaumarchais, dédiée aux radios associatives, voilà, pour aider en fait les projets de création radiophonique. Bonjour et bon après-midi. C'est Stendhal qui écrit, et je relis, « On dit que la vieillesse, changeant nos organes, nous rend incapables d'aimer. Pour moi, je n'en crois rien. Votre maîtresse, devenue votre amie intime, vous donne d'autres plaisirs, les plaisirs de la vieillesse. C'est une fleur qui, après avoir été rose le matin, dans la saison des fleurs, se change en un fruit délicieux le soir, quand les roses ne sont plus de saison. » Parle, c'est sans tambour ni trompette. La sexualité du troisième âge, elle existe. Mais il y a du tabou dans l'air. Elle ne se vit pas toujours facilement. Il faut le savoir, ça n'arrive pas tous les jours. Bonsoir, vous écoutez Radio Lingus, l'émission qui vous lèche l'oreille. Il est 23h, vous êtes sur Jet FM. Et après cet extrait de la très regrettée émission Radio Lingus, on revient dans l'intempestive à l'entretien avec Loïc Chusseau, directeur de Jet FM, sur l'histoire de cette radio de Saint-Herblain. Je me permets juste aussi de rebondir par rapport à ce que tu disais sur la création radiophonique qui est reconnue aujourd'hui. Moi, je reste assez sceptique sur effectivement la reconnaissance de la création radiophonique. Je trouve que à la fois, il y a deux choses. Ça fait le lien avec le festival. Parce que quand moi, je l'ai monté, quand on parlait de création radiophonique, on s'est dit, monter un festival de création radiophonique, bon, il fallait chercher des sous. Donc, on a des partenaires publics, nous, depuis pas mal d'années. Donc, quand on a été voir aussi, que ce soit la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique, la ville de Nantes, leur disant, voilà, nous, on veut monter un festival de création radiophonique. Comment vous pouvez nous aider voilà. Et ben, ça ne parlait pas à beaucoup de monde. Par exemple, on a commencé, nous, sur la région, à être sur le secteur audiovisuel. Voilà, donc on était financé par la culture, mais audiovisuel. Donc, pourquoi audiovisuel, on ne savait pas. Parce qu'on est à mi-chemin entre le théâtre, entre l'audiovisuel, parce que on projette par exemple un ou deux films aussi sur la radio. Mais voilà. Donc les gens ne savaient pas forcément par où prendre le festival. Et globalement, en fait, les actions de création radiophonique aussi qu'on mène, nous, à la radio, on a très peu de financement pour, parce qu'ils ne savent pas où nous faire rentrer. Ce n'est pas du théâtre, parce qu'on n'a pas un fonctionnement comme du théâtre, on n'est pas dans l'économie théâtrale. Donc se pose vraiment cette question de la place de la création radiophonique. Et notamment là, sur la prochaine édition de Sonore en mai, on va travailler justement sur cette thématique de création radiophonique en Europe pour voir un petit peu les différents dispositifs qui existent. Je sais par exemple qu'à Bruxelles, il y a une certaine effervescence parce qu'il y a une forte aide aussi de la communauté francophone là-bas. Et puis qu'il y a un vivier. Nous, on est un peu les seuls à porter ça au niveau de la région. Même si on fait des liens avec d'autres assos, c'est quand même assez difficile. Donc à la fois on est dans un renouvellement qui a été aussi porté par Arte Radio au début des années 2000 et puis avec le développement des outils numériques sur un renouvellement de la création radiophonique, sur une nouvelle manière de faire, donc ce qui est important parce que effectivement dans les années 70 tout ça il y a eu 60-70 il y a eu l'âge d'or des ACR voilà qui aujourd'hui enfin à mon goût hein, sont un peu délités voilà. Du coup, ce sont aujourd'hui les radios associatives et les web radios qui ont pris le relais, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux de Radio France. Voilà. Et donc, quand on voit ce qui est fait au niveau de Radio France, qui effectivement, plus, même s'il y a des très bonnes choses, hein, à un moment, il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc, mais qualitativement et majoritairement, ce qui est fait par les radios associatives et les web radios avec 2-3 bouts de ficelle. Voilà, c'est pas comparable de ce qui est fait notamment avec France Culture où on reste dans une peut-être création radiophonique plus à papa, quoi, voilà, très formatée. Et donc, je pense que Arte Radio et les radios associatives ont permis d'ouvrir justement cette création radiophonique, de la déformater, donc ce qui rentre dans notre cadre de, enfin, comment dire, éditorial, voilà, d'ouvrir un petit peu et d'éclater les formats. Et donc, du coup, on a aussi. Comme on estimait qu'il n'y avait pas assez d'espace pour diffuser ses créations, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Hein. Nous, on recevait, notamment pour Histoire d'onde, pour l'émission, on recevait beaucoup, on a un appel à création permanent, et on recevait beaucoup de choses. Quoi. Et donc, vous n'avez pas où diffuser ces créations. Et surtout, on se disait, bah, nous, ouais, on diffuse ça sur Jet, mais bon, on a peu de moyens de communication, donc on a peu de moyens de se faire connaître. Donc, il n'y a pas forcément, comme beaucoup de radio associatives, beaucoup de gens qui écoutent. Voilà. Il y a toujours des gens qui écoutent. Mais l'idée, c'était aussi de promouvoir un petit peu cet art, cette manière de faire, de la création. Donc on s'est dit, on va créer le festival. Pas forcément à l'image d'autres festivals, au contraire, on voulait être sur une ligne de création indépendante, donc s'adresser beaucoup plus et travailler beaucoup plus avec soit le secteur associatif, soit avec des structures indépendantes. Voilà. Et donc, on a commencé à mettre en place le Sonore en 2006, voilà, qui était à l'époque sur 4 jours. Et donc là, la prochaine édition sera sur 11 jours à peu près, et avec aussi des multiplicité d'espaces qu'on a toujours gardé plus ou moins, mais là qui s'étoffe encore plus avec différents espaces sur l'ensemble de l'agglomération nantaise. Et aussi, puisque l'idée c'était un peu d'être sur la thématique du déplacement, du coup d'avoir des espaces sonores sur différents moyens de transport. Voilà. Donc on va développer ça sur des bateaux, sur des bus, dans des bus, à pied, voilà, puis dans différents espaces aussi culturels, mais pas que, espaces publics, voilà, pour essayer d'interpeller aussi les gens et de faire venir le public au festival. Voilà. C'est une définition de la radio, ça, que la radio associative va justement se répandre, va évoluer hors les murs, plutôt que de rester à l'intérieur de ses studios pour continuer à fonctionner. Bah, je pense que pour une radio associative, sortir ses studios, c'est à la fois vital, parce que qu'on soit pour ou contre la communication, aujourd'hui, les radios associatives n'ont pas les moyens de communiquer. Mais c'est quand même, ça, si elles avaient les moyens, ça serait quand même un moyen de se faire connaître. Voilà. Et donc, on n'a pas non seulement les moyens de se faire connaître, donc on est le seul moyen gratuit dont on dispose, c'est de sortir les studios, donc d'être présent sur les événements, sur les festivals, d'aller à la rencontre des publics, voilà. Alors, de manière intelligente, c'est-à-dire, nous, on ne va pas sur tout et n'importe quoi, on va sur les événements qui sont en lien avec la ligne éditoriale de la radio, ou la programmation musicale de la radio. Et donc d'être présent aussi, voilà, d'afficher aussi la radio sur des événements où il y a du monde, du public, permet de faire connaître la radio, donc ça devient vital. Et je pense aussi, c'est aujourd'hui, les radios associatives, ce sont les seuls médias qui sont présents sur le territoire, en local. On a vu depuis des années, une désertification du service public sur les événements. Nous, on le voit hein, concrètement. C'est-à-dire, c'est soit ils arrivent à coup d'exclusivité sur des partenariats ou sur lesquels on est présent depuis très longtemps, on a fait du défrichage, et ils arrivent quand il y a une certaine notoriété de l'événement. Mais c'est juste mettre un logo, de temps en temps faire une émission, mais ça va être quoi, une heure d'émission et puis point barre. Les radios commerciales, c'est pas la peine. Les télés, c'est pareil. Et la presse écrite, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les médias, le média le plus présent sur le local, c'est la radio. Et dans les radios, ce sont les radios associatives qui reprennent à la fois le relais du service public et qui sont en capacité d'assumer des missions d'intérêt général et puis de présence sur le territoire. Yo man, bon, monte le casque. JTFM 91.2. Yo. Et alors sur le territoire nantais, j'arrive dans une période tout à fait particulière, puisqu'on est en février 2012, et que vient d'être lancée une opération pilote pour le lancement de la radio numérique terrestre, avec laquelle personnellement je ne suis pas du tout d'accord, mais Jet FM, Alternante et d'autres radios qui sont sur le territoire de Nantes se sont lancées dans l'expérimentation. Est-ce que c'est un choix contraint du fait d'être sur Nantes, ou est-ce que vous êtes tout à fait convaincu de l'utilité de la RNT, de la transition vers la RNT? Alors je vais être peut-être un peu long avant d'expliquer effectivement la finalité de la RNT, mais il faut revenir aux prémices de pourquoi on est arrivé à ça sur Nantes. C'est pas du tout contraint, je le dis tout de suite. Comment ça se passait avant entre les radios associatives? Les radios associatives, on se positionne toujours dans une logique concurrentielle. Voilà. De dire, ouais, moi je vais être la plus forte, je vais être la plus écoutée, tout ça. Voilà. Donc c'était un peu ce qui se passait sur Nantes, c'est-à-dire, bon, on se tirait toujours un petit peu dans les pattes. Voilà. Et puis au bout d'un moment, moi, personnellement, je me suis dit, c'était en fin 2005, je me suis dit, bon, ça serait bien si on arrivait peut-être à travailler ensemble, parce qu'à un moment, notamment avec Alternante, par exemple, on se retrouvait tous les ans sur le Festival des Trois Continents, des événements comme ça, au lieu de faire deux studios, par exemple, où chacun ramenait son matériel et puis qu'on n'a pas forcément des moyens à la fois techniques et humains démentiels. Je me disais, peut-être on pourrait se retrouver et puis déjà échanger sur un peu comment on travaille, des choses comme ça. Et donc, en 2006, j'ai créé la FRAP, la Fédération Régionale des radios associatives en Pays de la Loire, et puis on a créé le GRAM, le Groupement des radios associatives de la métropole nantaise. À l'époque, il y avait 5 radios associatives, il y en a une 6e qui est arrivée là, en 2007 par rapport à l'appel à fréquence qu'il y a eu sur Nantes ensuite. Et en région, on est 30 radios, et il y en a 23 dans la FRAP. Et donc à partir de là, on s'est dit, mutualisons à la fois des moyens techniques, et des moyens humains, mais aussi des moyens de coopération et d'échange. Donc sur la FRAP, on a apporté notamment le développement d'une plateforme rédactionnelle où on mutualise des sons, donc on peut échanger aussi à la fois en interne, mais aussi mettre à disposition du public et valoriser ce qui est fait sur l'ensemble du territoire régional, les productions des radios associatives. On a lancé une plateforme en janvier dernier sur l'aspect musical, donc mise en avant des artistes émergents de la région. Et puis surtout patrimonialisation, archivage aussi de la mémoire régionale, à travers le prisme des radios associatives. On a mis aussi, de manière anecdotique, mais une régie publicitaire. Alors quand je dis publicitaire, c'est uniquement à caractère d'intérêt général, donc c'est tout ce qui est message d'intérêt général. Voilà, on travaille avec les collectivités publiques, avec la Chambre régionale d'économie sociale, les crédits municipaux, donc on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, ce qui permet d'avoir quelques ressources complémentaires, mais ça reste 2-3 messages par an qu'on diffuse sur les antennes. Mais c'est un petit plus pour beaucoup de radios, et notamment les radios en milieu rural qui ont très peu d'aide, surtout dans certains départements ou dans certaines communes où il n'y a pas du tout d'aide pour les radios associatives. On a mis ces outils-là sur la FRAP. Sur le GRAM, on s'est dit, tiens, il y a une radio qui va payer 18 000 euros à TDF pour se diffuser. Nous, à Jet, on avait toujours notre antenne, mais bon, elle était un peu vieillotte, il suffisait qu'il y ait une tempête, et puis le truc, d'ailleurs, c'est arrivé une fois, c'est arraché l'antenne, donc voilà. Et puis, il y en a une autre radio qui payait 15 000, et puis une autre radio qui avait son site d'émission, enfin voilà. Il y avait plein de configurations. On s'est dit à un moment, peut-être que ça serait bien de mutualiser un site de diffusion. Donc, à la fois avec les collectivités locales, et puis en concertation avec l'ensemble des radios, on s'est dit, chacun va mettre un petit peu pour payer un site, et puis on va avoir une seule antenne, un seul site de diffusion avec chacun son émetteur. Et donc on a mis ça en place en 2007. à côté de la tour, à côté des studios de Jet FM. On a commencé à diffuser donc alternante Sun, Prune et Jet. Voilà, donc il y avait quatre, sachant que la cinquième c'était Radio Fidélité qui elle avait son propre site d'émission. Et puis dans ces années-là, on parlait justement aussi de la radio numérique terrestre. Et donc Pierre Boucard, qui est le directeur de Sun, qui est aussi délégué national aux nouvelles technologies au syndicat national des radios libres, s'est emparé de la question. Il nous a sensibilisé aux problématiques, voilà. Et donc maintenant, on est tous plus ou moins aguerris sur un petit peu les, à la fois en termes techniques, mais aussi un petit peu en termes de développement de la radio numérique, tout ça. Et donc du coup, lui, il a commencé à travailler sur cette question-là, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local. Et donc, on a lancé en fait le multiplex, non pas là en février, mais en mai 2010, lors du congrès du syndicat national des radios libres. Le multiplex étant, je précise pour les gens qui ne connaissent pas, étant cette nouvelle structure de diffusion qui permet en fait, qui fonctionne en prenant le flux de plusieurs radios différentes, 8 ou 9 radios, et qui va après le rediffuser à travers une seule boîte, quoi. Voilà. Et donc on a lancé ce multiplex, cette diffusion en radio numérique, de façon expérimentale, et elle est toujours d'ailleurs, expérimentale dans son attribution de fréquence. Après, elle n'est pas expérimentale dans la diffusion, parce qu'elle est concrète, c'est-à-dire qu'on est sur des expérimentations techniques, mais qui marchent. Voilà. Je vois un horrible poste de radio numérique sur ton bureau pendant que tu parles. Horrible, je ne sais pas, après, c'est des modèles, voilà, il en existe plein, donc moi j'ai celui-là, mais bon, voilà. Moi ça marche bien. Et donc pourquoi s'engager là-dedans? Parce que, d'une part, on ne voulait pas que le débat soit accaparé une fois de plus par les radios commerciales et par les sociétés de business, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les radios derrière. Ça a été le cas déjà en 2007, quand fin 2007, Christine Albanel, alors ministre de la Culture, a signé l'arrêté signal, donc c'est-à-dire la norme qui donnait la compression de la radio numérique, a été fait sous la pression de Energy, Skyrock et compagnie. Donc du coup, ils voulaient s'accaparer en fait la manière de développer la radio numérique. Donc c'était une norme qui était coûtée cher, donc qui est difficile d'accès à la fois pour les radios sociétives, mais aussi pour les petites radios commerciales locales. Donc parce qu'ils ne voulaient, enfin les radios commerciales nationales ne veulent pas partager le gâteau publicitaire, voilà, sur la radio numérique. Il y avait aussi, l'aspect en termes de quantité, c'est-à-dire que avec la norme qui a été choisie en 2007, on pouvait mettre, je crois, 6 ou 7 radios, avec une autre norme pour laquelle nous on milite, qui est le DAB+, qui est d'ailleurs la norme qui a été choisie par de nombreux pays européens, en Allemagne, et qui est d'ailleurs déjà lancée, permet d'avoir jusqu'à 12 radios. Donc de développer l'offre aussi, parce que pourquoi la radio numérique? C'est aussi parce que la bande FM est figée. C'est-à-dire que pour les radios associatives, nouveaux projets de radio associative, ce n'est plus possible d'arriver sur la bande FM aujourd'hui. Et donc la radio numérique permet de faire de nouveaux entrants. Bon, bien sûr, il y aura évidemment des radios commerciales, mais pas que. Et puis surtout, ça permet donc de défiger cette bande FM, mais aussi surtout d'avoir une meilleure qualité d'écoute. Par exemple, nous sur Nantes, depuis très longtemps, on est très mal capté dans le centre de Nantes, parce que avec l'analogique, ça traverse pas forcément bien le centre-ville, et puis qu'on a une puissance très faible. On a 1000 watts. Voilà. Donc nous, la radio numérique, c'est remettre toutes les puissances sur un pied d'égalité. Et le fait de garder la main aussi, enfin du moins d'être force de proposition sur le débat sur la radio numérique, c'est de dire, nous on existe, on est radio associative, on existe, on n'a pas envie de se faire bouffer, on n'a pas envie que ce soit les gros qui définissent et qui choisissent à la fois la norme, mais aussi les spécificités et le développement de la radio numérique, pour que dans 15 ou 20 ans, ou quand on dira il faut fermer la bande FM, on se retrouve à la rue et qu'il n'y ait plus de projet associatif. Donc c'est aussi pour ça. Oui, mais ce qui vaut pour l'agglomération de Nantes et la densité de radios qu'il y a sur Nantes, qui permet à ces radios de mutualiser des outils et de se réunir, ne vaut pas pour une petite radio qui est perdue dans la cambrousse ou qui est en pleine montagne. Et il va y avoir, oui, certainement des nouveaux entrants, mais il va y avoir aussi des gens qui ne pourront, des radios qui existent, qui ne pourront pas passer sur le numérique, notamment pour des raisons financières, puisqu'actuellement, les conditions financières du passage des radios associatives non commerciales au numérique ne sont pas réellement prévues par l'État, alors que les premières expérimentations sont déjà lancées. Et autre chose qui, me semble presque plus importante que ça, c'est la question du renouvellement de l'ensemble des postes radio de tout le monde, alors qu'on fonctionne actuellement avec des postes qui peuvent exister depuis très longtemps, et que là, c'est faire passer la radio, en fait, dans ce cycle vicieux de renouvellement permanent du matériel, de l'obsolescence programmée des dispositifs d'écoute, alors qu'on pouvait toujours écouter avec de très vieux postes radio, ce qui pose, il me semble, un souci, y compris dans les quartiers populaires où ça implique que tout le monde rachète des postes radio. Sur le premier point, sur l'aspect financement. Alors c'est quelque chose dont je m'occupe aussi parce que je suis aussi délégué national au syndicat national des radios libres sur les questions des financements. Donc on déconnecte pas les deux. Je veux dire, si on n'aurait pas pu lancer nous notre multiplex sur Nantes en radio numérique, si on n'avait pas posé la problématique des financements dès le départ, ça c'est évident. Mais concrètement, nous aujourd'hui, on paye 3000 euros de diffusion pour l'analogique et le numérique. C'est pas beaucoup. La problématique des multiplex sur l'agglomération, des choses comme ça, c'est effectivement une autre question. Mais toutes les villes qui peuvent faire ça. Et il faut savoir que nous, il n'y a pas que des radios associatives dans le multiplex. Le multiplex est géré par le GRAM, qui est une association. Donc déjà, on a posé même la question au CSA, qui n'avait pas pensé au fait que des associations puissent gérer des multiplex. Donc ça, c'est en train d'être cogité pour être modifié dans la loi, intégré dans la loi. Donc déjà, se pose cette question-là. Donc ça veut dire que aussi le secteur non marchand est présent sur la mise en place des multiplex. Ce qui est quand même assez important. Sur les financements, on est forcément à se poser perpétuellement la question. On interroge aussi le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui finance les radios associatives sur à la fois l'investissement et aussi sur le fonctionnement. Effectivement, les radios associatives ne pourront pas aller sur la radio numérique s'il n'y a pas de financement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la question est posée à la fois en termes techniques, mais aussi en termes financiers. Donc, et le premier appel à projet a été lancé alors que les financements n'étaient pas en place. Et mais ça c'était parce que justement les radios commerciales à l'époque s'étaient emparées de la radio numérique avec l'histoire de normes et voulaient forcer le passage de la radio numérique pour que les petites radios commerciales et les radios associatives n'aillent pas sur la radio numérique. Le fait que Nantes ait été le premier multiplex en multinorme, donc TDMB qui a été adopté et DAB+ sur laquelle on milite, soit présent et fasse bouger les lignes à la fois au niveau du CSA, au niveau gouvernement et même au niveau des acteurs, fait que les grosses radios commerciales ne peuvent du coup reculer. Ils disent maintenant, bah non, on ne veut plus y aller parce que, on n'a pas le gâteau en entier pour nous. Nous, on milite pour que la radio numérique reste libre, gratuite pour les auditeurs, mais aussi pour les éditeurs de programmes que sont les radios. Par exemple, Skyrock, M. Bélanger, PDG de Skyrock, milite pour, par exemple, la radio numérique, mais pas terrestre, pas RNT, mais la radio numérique sur le web. Éditeurs comme nous, il va falloir qu'on paye SFR, qu'on paye Orange, qu'on paye Bouygues, Free, et ainsi de suite, pour être sur leur bouquet. Voilà. Il y en a d'autres qui militent pour le satellite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un satellite avec les radios associatives. Il y en a d'autres qui militent pour la FM. Nous, on milite pour la FM et la radio numérique. C'est-à-dire qu'à la fois garder la FM, parce que la FM ne va pas s'éteindre tout de suite, c'est clair. Mais à un moment, il y a des mutations technologiques. Je veux dire, ça rejoint la question des postes et tout ça. Beaucoup de gens ont des tablettes, des iPhones, des trucs comme ça, qui peuvent faire récepteur FM, en fait. Et RNT, voilà, radio numérique. C'est pas le cas de tout le monde, ça j'entends bien. Et il faut être très vigilant justement à ce que l'égalité, à la fois vis-à-vis des avancées technologiques et des supports, soit garantie aussi. Voilà. Donc du coup, d'intégrer aussi une certaine forme d'évolution, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'évolution ou révolution technologique. C'est-à-dire que si nous on reste en analogique et sur uniquement la FM, je pense que dans 10 ans, les jeunes ne compteront plus la FM. Nous, on a tout à gagner là-dessus, d'être dans cette révolution technologique, d'être présent. Parce que ce qu'on peut proposer n'est pas écoutable ailleurs. Mais on pourrait, je pense, continuer le débat très très longtemps sur la RNT. Je regarde un mur, le coin d'un mur avec une dalle à côté, c'est beau, c'est quelque chose. C'est devenu quelque chose parce qu'il m'a changé mon regard. On cherche à être changé, en fait. Et c'est ça qu'on essaie de dire dans la musique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fragments Libres. Peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais dire comment tu vois le paysage, rapidement, hein. On ne va pas se relancer dans une demi-heure, mais comment est-ce que tu vois le paysage des radios associatives aujourd'hui et puis quel avenir tu leur vois ? Moi, je pense que pour les plus associatives et militantes, je pense qu'elles ont encore de beaux jours devant elles, et je pense qu'elles vont être de plus en plus reconnues. Parce que en fait, à l'époque, les radios associatives étaient principalement financées par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, ce fonds est de plus en plus réduit dans la part des financements des radios associatives. D'une part parce qu'elles interviennent aussi sur pas mal d'autres missions. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'actions pédagogiques, des choses comme ça. Mais aussi parce qu'elles ont suscité l'intérêt aussi des collectivités locales. Que ce soit des régions notamment, des départements et bien évidemment des communes en fonction de leur position en milieu rural ou urbain. Et que les élus ont trouvé un intérêt, alors pas uniquement, on peut l'entendre aussi dans ce sens-là, politique, mais aussi dans l'intérêt de développer aussi des actions et une animation du territoire. Et donc en fait, aujourd'hui, nous, je pense qu'on est autant reconnus que je sais pas, France Bleu, voilà, reconnu dans la manière de faire, enfin voilà, peut-être pas en termes d'auditoire, évidemment. C'est le même débat que sur la radio numérique. Enfin, il faut pas rester sur des positions d'arrière-garde et surtout se prendre à chaque fois à bras le corps les débats de société, voilà, et puis d'être dedans et de se dire. Je pense que c'est l'image de la radio associative, je pense, qui va aller se renforcer dans ce sens-là, d'être vraiment un média citoyen, et peut-être le dernier média citoyen est présent, alternatif, présent sur son territoire. Ben merci beaucoup. Enfin, quoique je ne pense pas que le combat contre la RNT soit un combat d'arrière-garde, puisque le progrès pour les uns n'est pas forcément le progrès pour les autres. Mais voilà, on ne va pas relancer la polémique sur la RNT. Merci beaucoup Loïc Chussot. Merci. C'était donc l'histoire innovante de Jet FM, qu'on partage ou non ces innovations, avec Loïc Chussot, son directeur. Vous avez entendu des extraits d'émissions passées ou présentes de l'antenne, modulation de fréquence, Radio Lingus, Comment vont les fourmis et Fragments libres. Si vous êtes dans les environs de Nantes, du 2 au 13 mai, il y aura donc le festival sonore de création radiophonique. L'Intempestive sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère. Et vous la retrouverez en ligne avec une documentation complémentaire et tous les liens qu'il faut sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.